بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence inshallah ta'ala le cours sur les règles spécifiques. On va continuer aujourd'hui le cours sur les règles spécifiques liées aux femmes, les règles concernant les menstrues, les métroragies et les lochies. Aujourd'hui on va aborder le sujet des lochies. Le cheikh qui nous dit النفاس وأحكامه, le sujet des lochies et les différentes règles liées aux lochies. Il nous dit le cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى النفاس هو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها. Et donc les lochies forment les lochies sont formées donc par le sang. C'est le sang qui sont représentés par le sang qui va couler au moment donc de l'accouchement et après l'accouchement. وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم. Et donc c'est ça qui reste du sang qui est resté, donc c'est ça qui reste du sang qui n'a pas coulé justement durant la période de grossesse. فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا. Et lorsque la femme elle accouche, elle enfante, à ce moment-là, le sang va descendre petit à petit. وما تراه قبل الولادة من خروج الدم مع أمارات الولادة فهو نفاس. Et donc ce que la femme va voir avant l'accouchement comme sang, donc le sang que la femme va voir avant l'accouchement, alors qu'il y a des signes qui montrent l'accouchement, qui montrent que c'est le moment de l'accouchement, alors ce sang est considéré comme étant le sang des lochies. Et donc la femme, elle est enceinte, il y a des signes qui montrent que le moment de l'accouchement est venu, et là, il y a donc ce sang qui apparaît, et donc ce sang est considéré comme étant le sang des لوشي وقيده الفقهاء بيومين أو ثلاثة قبل الولادة. Et certes les savants, ils ont déterminé cela en citant que cela arrive peut arriver deux ou trois jours avant l'accouchement. Et donc il y a les signes de l'accouchement qui arrivent, il y a ce sang qui va arriver, et ensuite après la femme elle rentre dans donc cette période d'accouchement. Et ces signes et le sang qui arrive après, donc, peuvent arriver même entre deux ou trois jours avant l'accouchement. Il nous dit le Cheikh Al-Fawzan. وَالْغَالِبُ أَنَّ بِدَايَتَهُ تَكُونُ مَعَ الْوِلَادَةِ وَالْمُعْتَبَرُ وِلَادَةُ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ إِنْسَانٍ. Il nous dit le Cheikh Al-Fawzan. De manière générale, le plus souvent, cela, donc le sang, va arriver en même temps que l'accouchement. Pas forcément avant. Mais le plus souvent, le sang va arriver, donc, avec l'accouchement. Et ce qui est pris en compte, c'est le sang qui vient au moment de l'accouchement, au moment ou de l'accouchement d'un être qui a déjà été donc façonné, constitué comme un être humain. Pourquoi est-ce que le cheikh nous donne cette précision ici? C'est pour parler du sujet de la fausse couche. Parce que lorsque la femme fait une fausse couche et qu'il y a du sang, est-ce que ce sang est le sang des lochies ou pas? Eh bien, tout dépend. Le cheikh nous dit, ce qui est pris en compte, c'est lorsque la femme, ce qui va sortir de la femme, est un être humain qui est déjà façonné. Et il nous dit le cheikh, wa aqallu muddatin yatabayyanu fiha khalqul insani wahidun wa thamanuna yawman wa aghlabuha thalathatu ashhur. Et donc le cheikh il nous dit, la période la plus courte durant laquelle on peut voir que l'être humain a déjà été façonné, est de 81 jours. Ça veut dire en dessous de 81 jours de grossesse, une femme qui a eu une fausse couche avant 81 jours de grossesse, on va lui dire non. On va lui dire ce sang-là, ce n'est pas le sang d'Elohi. Et donc vous ne le prenez pas en compte, vous continuez à prier. Mais bien entendu, attention, on prend en compte ce qu'on voit de ce qui est sorti de cette femme. Est-ce que c'est un enfant, un être humain qui a été façonné ou pas encore? Parce que c'est, le cheikh, il nous dit, c'est la plus petite période. Mais pour certains, ils vont être façonnés un peu plus tard, etc., etc. Et de manière générale, c'est 3 mois, il dit le cheikh. De manière générale, c'est 3 mois. Le cheikh, il se base sur quoi? Il se base sur la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ. Et donc, certes, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte. Ici, c'est la goutte du liquide spermatique. Puis d'une adhérence. Puis d'un embryon formé aussi bien que qu'informe. Formé ou pas. Et donc un embryon formé ou pas. Et donc il a d'abord cité la période donc liquide, le goutte, la goutte. Puis l'adhérence, puis l'embryon formé ou pas. Et or, lorsqu'on regarde dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la création de l'être humain dans le ventre de sa mère, Arba'una yawman nutfa, 40 jours, donc en étant une goutte. Thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik, et ensuite il sera une adhérence durant le même nombre de jours. Donc 40 jours encore. Ce qui fait 80 jours. C'est pour ça que le cheikh Al-Fawzan, il a cité 81 jours. Et donc 80 jours. Et ensuite, l'embryon qui est formé ou pas encore formé. Et donc c'est à partir de cette étape, où il est donc un embryon, qu'il peut être formé ou pas formé. Avant, non, ce n'est pas encore un embryon. Et donc le cheikh il nous dit فَإِذَا سَقَطَ مِنْهَا شَيْءٌ قَبْلَ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَحَصَلَ مَعَهُ دَمٌ فَإِنَّهَا لَا تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا تَدْعُ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ مِنْ أَجْلِهِ لِأَنَّهُ دَمٌ فَاسِدٌ وَنَزِيفٌ فَيَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ الْمُسْتَحَاضَةِ. Et donc si la femme elle a des pertes de sang avant cette période, donc avant les 3 mois, avant cette période où c'est un embryon formé. Et donc si la femme elle a une fausse couche à ce moment-là, avant ce moment-là, et qu'il y a une perte de sang, alors elle n'accorde pas d'importance à cette perte de sang. Et elle ne va pas arrêter la prière ou le jeûne à cause de cette perte de sang. Car ce sang va être un sang qui va être lié à cette fausse couche, mais ce n'est pas donc un sang qui est considéré comme étant des menstrues ou des lochies. Et donc le jugement de ce sang, il aura le même jugement que les métrorragies. Il continue le Cheikh Al-Fawzan. Il nous dit wa aktharu muddatin nifasi fil ghalib 40 yawman ibtida'an min al-wiladati aw qablaha bi yawmayn aw thalathatin kama sabaq. La plus longue période des lochis, de manière générale, est de 40 jours, à commencer par le jour de l'accouchement, ou alors 1 ou 2 jours avant, comme cela a été cité précédemment. Donc si la femme, elle a commencé à avoir ses lochis 2 ou 3 jours avant, du moins, excusez-moi, si la femme a commencé à avoir ses douchis 2 ou 3 jours avant, et donc elle commence à compter à partir de là. Li hadithi Ummi Salamata radiallahu anha, كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما رواه الترمذي وغيره وأجمع على ذلك أهل العلم كما حكاه الترمذي وغيره. La preuve de cela est le hadith de Umm Salama radiallahu anha. Lorsqu'elle dit que les femmes, elles arrêtaient, ce qui est voulu ici, donc les femmes, elles arrêtaient la prière et le jeûne. Et donc elles arrêtaient la prière et le jeûne, et elles attendaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 40 jours. Elles attendaient pendant 40 jours. Rapporté par Al-Tirmidhi et d'autres, et certes les savants, les gens de science sont unanimes sur ce sujet, comme l'a rapporté Al-Tirmidhi et d'autres. Ce qui est voulu ici, barakallahu fikum, c'est que les femmes, elles vont attendre 40 jours maximum. C'est-à-dire que si les lochis s'instompent avant, eh bien la femme, elle va reprendre la prière avant. Mais c'est 40 jours maximum. Il faut bien comprendre le texte. Et c'est pour ça que le cheikh, il nous dit après, وَمَتَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ بِأَنِنْ قَطَعَنَهَا خُرُوجُ الدَّمْ فإنها تغتسل وتصلي فلا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده. Et donc si la femme est purifiée avant les 40 jours, de telle manière que le sang s'est arrêté, donc le sang a arrêté de couler avant cette période, avant les 40 jours, alors à ce moment-là, la femme va faire la douche rituelle et elle va prier, car en réalité, il n'y a pas de limite minimale pour la durée des lochis, car il n'y a pas de texte qui vient préciser cela. Il se peut qu'une femme ait des lochis pendant un jour. Il se peut qu'une femme ait des lochis pendant quelques instants. C'est tout. Et donc, on se base sur la présence du sang ou pas. Wa iza tammatil arba'un wa lam yanqati' anha khuruj ad-dam. فإن صادف عادة حيضها فهو حيض وإن لم يصادف عادة الحيض واستمر ولم ينقطع فهو استحاضة لا تترك من أجله العبادة بعد الأربعين وإن زاد على الأربعين ولم يستمر ولم يصادف عادة فمحل خلاف. Et donc là le cheikh il nous dit, si les 40 jours sont terminés et que le sang n'a pas cessé et que cela arrive au même moment que les périodes de la femme. La femme, elle avait ses menstrues avant, à ce même instant, à cette même période. Eh bien, à ce moment-là, donc ce sang qui continue après les lochis sera le sang des menstrues, tout simplement. Le sang continue après les 40 jours, mais on est dans la même période que la période des menstrues de cette femme. Et donc, ce sang qui coule, c'est le sang des menstrues. Donc, elle ne reprend toujours pas la prière. Mais si ce sang qui continue n'arrive pas au même moment que la période des menstrues de cette femme, et ce sang continue de couler, alors à ce moment-là, ceci est le sang des métrorragies. La femme ne va donc pas arrêter la prière. Elle va donc continuer, elle va donc, excusez-moi là ici, elle va reprendre la prière et le jeûne, etc. Après les 40 jours. Le cheikh qui continue, il nous dit, et si le sang continue après 40 jours, mais il ne perdure pas, donc ça dure un tout petit peu, pas beaucoup. Alors là, il y a une divergence. Est-ce que ce sang-là, est-ce que c'est le sang des lochis qui a duré plus de 40 jours, ou alors est-ce que ce sont des métrorragies ou quoi? Donc on parle ici d'un sang qui continue un tout petit peu après les 40 jours et que ce n'est pas le sang des menstrues. Et bien l'avis le plus juste, barakallahu fikoum, le cheikh El Fozan ne l'a pas cité, mais L'avis le plus juste, et c'est d'ailleurs l'avis qu'a choisi le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, c'est que ce sang va être un sang considéré comme le sang des Mitrouragis. Considéré comme étant le sang des Mitrouragis, car le sang des Lochis ne va pas dépasser les 40 jours, incha'Allahu ta'ala. Masha'Allah. Alors, on continue, incha'Allah. Le Cheikh Al-Fawzan qui nous dit Al-Ahkam al-Muta'alliqatu bin-Nifas. Et donc les règles de jurisprudence qui sont liées au Lochi. Premièrement, et donc le Cheikh il nous dit Ahkam al-Nifas ka ahkam al-Haydi fi ma yali. Les règles liées au Lochi sont comme les règles liées au menstru dans ce qui suit. Awalan yahrumu wat'un nufasa kama yahrumu wat'ul ha'idi. Premièrement, il est interdit d'avoir un rapport avec la femme, avec les femmes qui ont leur lochi, ou avec la femme qui a ses lochi, de la même manière qu'il est interdit d'avoir un rapport avec la femme qui a ses menstrues. Et il est permis d'avoir du plaisir avec elle, et de faire ce qui est en dessous du rapport, ce qui est autre que le rapport. Thaniyan, yahrumu ala nufasa. أن تصوم أو تصلي أو تطوف بالبيت كالحائض. Deuxièmement, il est interdit à la femme qui a ses lochi de jeûner, de prier, de faire le tawaf autour de la maison sacrée, comme cela est interdit à la femme qui a les menstrues. Thalithan, يحرم على النفساء مس المصحف وقراءة القرآن. Troisièmement, il est interdit à la femme qui a ses lochi, il lui est interdit de toucher au mushaf et de réciter le Coran tant que celle-ci ne craint pas d'oublier le Coran, comme c'est le cas pour al-ha'id, la femme qui a ses menstrues. Tayyib, nous on avait déjà vu donc précédemment que donc ce qui est le plus juste concernant la femme qui a ses menstrues et maintenant la femme qui a ses lochi, c'est que le fait de lire le Coran, ceci est une nécessité. C'est une nécessité et qu'il n'y a pas de preuve concrète qui interdit cela. Donc tant qu'elle est dans cette nécessité, elle a besoin de lire le Coran pour mémoriser, pour réviser, pour méditer sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors elle peut le faire inshallah tabaraka wa ta'ala, inshallah ta'ala. Rabi'an, yajib 'ala an-nufasa'i qada'u as-sawm al-wajib alladhi tarakathu fi an-nifas kal-ha'id. Quatrièmement, il est obligatoire à la femme touchée par les lochi de rattraper ses jours de jeûne obligatoires qu'elle a manqué, comme c'est le cas, donc à la fin de ses lochi, bien entendu, comme c'est le cas pour la femme qui avait des menstrues. Toyib, cette femme qui avait ses lochi et qui ne priait pas, et qui ne jeûnait pas, lorsqu'elle finit ses lochi, si cette femme, elle allaite, alors l'avis le plus juste, est que cette femme-là, elle ne rattrape pas ses jours. Elle ne rattrape pas ses jours. La vie le plus juste, c'est qu'elle nourrit un pauvre pour chaque jour. Mais elle ne rattrape pas. Car la femme qui allaite, ainsi que la femme qui est enceinte, ces deux-là, ce qui est recommandé pour elle, c'est le fait de nourrir un pauvre. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Et concernant ceux qui ne peuvent le faire qu'avec difficulté, donc le jeûne, alors ils ont comme expiation le fait de nourrir un pauvre. Ce verset-là a été abrogé, mais le jugement est resté concernant le cheikh qui est âgé, la femme enceinte et la femme qui allaite, comme cela a été rapporté de certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. خامسا يجب على النفساء أن تغتسل عند نهاية النفاس كما يجب ذلك على الحائض. Cinquièmement, il est obligatoire à la femme touchée par les louchis de faire la douche rituelle comme à la fin des louchis, comme c'est le cas pour la femme qui avait les menstrues. Wal adillatu ala dhalik. عن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما رواه الخمسة إلا النسائي. Et donc d'après Umm Salama رضي الله عنها, elle dit que les femmes qui avaient les louchis, elles attendaient à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, elles attendaient 40 jours, rapporté par Al-Khamsa. Al-Khamsa sauf al-Nasa'i. C'est qui Al-Khamsa? Les cinq, ce sont Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah et l'imam Ahmed. Et donc là, il nous dit les cinq sauf al-Nasa'i. Donc il nous reste donc, ce livre est dans le recueil de Abu Daoud, dans le Jami' al-Tirmidhi, dans le Sunan d'Ibn Majah, et dans le Musnad de l'imam Ahmed. Ensuite, l'auteur, donc le Cheikh Al-Fawzan qui nous dit wa qala al-Majd ibn Taymiyyah. Al-Majd ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est le grand-père d'Ibn Taymiyyah, c'est le grand-père de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit قلت هو معنى الحديث ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لأن لا يكون الخبر كذبا إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض انتهى. Il dit ce qui est voulu par le hadith, c'est que les femmes, il leur était ordonné d'attendre 40 jours. Donc il leur était ordonné d'attendre jusqu'à 40 jours maximum. Hein? Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que les menstrues ainsi que les lochis des femmes d'une période durent le même temps. Durent durant la même durée. Ce n'est pas possible que les menstrues et les lochis de toutes les femmes d'une même époque aient la même durée. Et donc chaque femme. Et donc la durée des lochis va varier d'une femme à une autre. Mais il était demandé aux femmes donc d'attendre jusqu'à 40 jours et donc de ne pas dépasser les 40 jours. An Ummi Salamata radiyallahu anha qalat kanat al-mar'atu min nisa'i an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam taq'udu fi an-nifas 40 laylatan la ya'muruha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam biqada'i salati an-nifas. Et donc d'après Umm Salama radiyallahu anha, qui dit que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles attendaient, donc pendant leur période de louchi, elles attendaient 40 jours. Et le prophète après cela ne leur ordonnait pas de rattraper les prières qu'elles ont eues, les prières qu'elles ont ratées pendant la période de louchi, rapportée par Abu Daoud. Ensuite, le cheikh, il nous dit faïda. Faïda, idan kapo ad-damu. Idan kapo ad-damu anin nufasai kobla l'arba'in, wa agtasalat, wa sallat, wa somat, thumma aada alayha ad-dam, kobla l'arba'in, fa s-sahih, annahu yu'tabaru nifasan, tajlisu, wa ma somathu fi waqt tuhri, المتخلل فهو صحيح لا تقضي. Et donc, lorsque le sang de la femme qui a ses louchis, il s'interrompt avant les 40 jours, et qu'ensuite cette femme fait la douche rituelle, qu'elle prie, qu'elle jeûne, puis que le sang revient avant les 40 jours. Alors la vie le plus juste est que ce sang est considéré comme étant le sang des louchis. La femme va donc attendre encore. Et les jours de jeûne qu'elle a accomplis pendant cette courte période de pureté, qu'il y avait entre les deux périodes d'impureté, alors les jours de jeûne qu'elle a accomplis sont sahih, ils sont corrects, elle n'a pas à les rattraper. Une femme qui elle a ses lochis et elle n'a pas jeûné, etc. Après ses lochis sont terminés et elle n'allait pas, elle décide de rattraper les jours de jeûne. Elle commence à jeûner, elle fait quelques jours et ensuite les lochis reviennent. Est-ce qu'on va dire que les jours de jeûne qu'elle a fait n'étaient pas authentiques et donc qu'elle doit les refaire? Non, ces jours de jeûne-là, ils étaient valables. Pourquoi? Parce que la base, c'est que tout acte d'adoration que la personne va faire de manière qui lui est tout acte d'adoration qu'une personne va faire de manière légiférée, et donc cet acte d'adoration est légiféré pour la personne, alors à ce moment-là, la personne, il ne lui est pas ordonné de rattraper cet acte d'adoration. Exemple, une personne qui fait sa prière, ou du moins qui veut prier, il n'y a pas d'eau, la personne va faire le tayammum. Elle va faire le tayammum. Et ensuite, donc, elle fait le tayammum parce qu'il n'y a pas d'eau. Et donc là, sa prière, elle est légiférée. Il lui est légiféré de faire sa prière comme cela. Et lorsqu'elle finit sa prière, alors là, il y a donc une personne qui vient avec de l'eau. Est-ce qu'on va lui dire qu'il faut refaire ta prière? Non, parce que la manière dont elle a fait la prière lui était légiférée, parce que dans sa situation, il n'y avait pas d'eau. Et donc la femme qui a fait sa prière, qui a fait ses jours de jeûne, et qu'il n'y avait pas de sang, et c'était donc le sang des lochis s'était arrêté, alors la prière, ou du moins les jours de jeûne, lui étaient légiférés. Ces jours de jeûne-là qu'elle a fait étaient légiférés. Il n'y a pas de mal en cela. Donc on ne va pas lui demander de rattraper ces jours de jeûne. Et donc ensuite le cheikh, il nous cite des sources, de regarder dans le Majmou al-Fatawa de cheikh Mohamed ibn Ibrahim, Fatawa cheikh Abdelaziz ibn Oubez, qui a été publié, et aussi Hashiyat ibn Qasim à la Sharh al-Zed, aussi la Risala d'Ibn al-Uthaymin rahimahullah, une Risala qu'on fera prochainement inshallah ta'ala, Ad-Dima al-Tabi'iyya lin-Nisa, etc. Tayyib, ensuite le cheikh, il nous dit: وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله فظهر مما تقدم أن دم النفس سببه الولادة وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه وأن دم الحيض هو الدم الأصلي والله أعلم. Et donc il nous dit, le cheikh Saadi رحمه الله, il dit, il apparaît de tout ce qui a été cité précédemment que la cause du sang des lochis est la naissance, et que le sang des métroragies est un sang qui va arriver à cause d'une maladie ou une autre cause, et que le sang des menstrues, c'est le sang de base. Wallahu a'lam. Et c'est pour ça qu'on a dit précédemment au début que la base chez la femme, c'est qu'elle est en bonne santé jusqu'à preuve du contraire. Et donc, le sang qui vient, on reste sur la base. S'il y a du sang, et que la femme, elle est en bonne santé, et donc la base, c'est que ce sang, c'est le sang des menstrues jusqu'à preuve du contraire. Et donc, nous, on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder la réussite, il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.